Ce soir, je vais vous parler d'une fille géniale. Elle est magicienne et son nom c'est Lina. Si tu lui dis qu'elle est petite, tu meurs. Elle vient d'une série animée qui s'appelle Slayers. Lina Impulse, elle est pas grande. Elle c'est Lina Impulse, c'est une gagnante. Elle vit dans un monde héroïque fantasy, dans un monde qui fait toujours bien rire. Et quand Lina voit arriver des gros méchants, je peux vous dire que ça va être effusion de sang. Lina Impulse, une petite curieuse. Elle c'est Lina Impulse, c'est une vraie dieuse. Y'a son petit ami blond qui s'appelle Goury. Son pire est visible, il sait, c'est le gadis. Le Hellmaster ressemble à un petit bonhomme. Et dans les OAV, y'a Naka le serpent. Lina, il meurt, mais infernal. Elle sait, Lina, il meurt, mais elle est géniale. Waouh! Amelia a plus de poitrine, je crois. Goury a une épée magique, je crois. C'est Lina qui doit être la plus drôle, c'est elle. Et c'est tout ce que je peux raconter sur elle.